Zevio, nous avons fait une prise qui fera plaisir, je crois. Au bas du chemin, qui traverse la montagne. Quel est ce gentilhomme qui se couvre le visage? Ah, il n'a pas été possible de lui faire dire sa patrie et son nom. Il ne veut parler qu'au capitaine. Alors tu peux te découvrir devant moi? Es-tu le capitaine? Oui, parle. Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? Je te le dirai quand nous serons seuls. Éloignez-vous, vous autres. Voici seul maintenant. Tu n'auras que les fleurs pour témoins de tes paroles. Allons, on se voit et dis-moi qui tu es, où tu vas et ce que tu veux. Allons, parle. Que tu saches en une seule fois d'où je viens et qui je suis. Tire ton épée. Tu sauras ainsi que je suis celui qui vient pour te tuer. Je me mets en garde pour me défendre, cela seulement. Mais il me semble que ta voix ne m'est pas ennemie. Bats-toi, lâche. Et je vais t'ôter ce doute en t'enlevant la vie. Nous nous battrons donc. Si tu me tuais dans ce combat, ou si je te tuais, je ne saurais pourquoi je tue ni pourquoi je meurs. Aussi, je te prie de me montrer ton visage. Julia. Julia, toi ici, et dans ces vêtements. Comment es-tu parvenue seule jusqu'ici? Qui t'a conduite? Tes mépris et ma honte. Julia. Et pour que tu saches ce qu'est une femme désespérée, entends quels furent mes crimes. Et sache que non seulement j'ai pris plaisir à ces forfaits, mais que je tirerai encore une jouissance du récit qui va les faire revivre. Après que tu m'aies abandonné, j'ai d'abord fui le couvent pour la montagne. Là, un berger voulut m'avertir que je m'étais engagé dans un mauvais chemin. Mais je pris sottement peur. Et pour éviter qu'il me mette en danger, je m'assurai de son silence en le tuant d'un couteau qu'il portait à la ceinture. Ce fut là mon premier crime. Plus tard, un cavalier, me voyant fatigué, m'offrit avec courtoisie de monter un croupe derrière lui. Mais il voulut entrer dans un village. Et moi, parce que je craignais les endroits habités, pour prix de son bienfait, je le tuai avec ce même couteau. Pendant 3 jours et 3 nuits, je n'eus dans ce désert d'autre nourriture que les plantes sauvages, d'autres lits que les roches. Je parvins enfin à une pauvre cabane, et la vue de son toit de chaume pacifia soudain mon cœur, et parut un abri doré à la fugitive que j'étais. Une paysanne me reçut, rivalisant de prévenance avec le berger son mari. J'oubliais chez eux ma fatigue et ma faim. Pourtant, là encore, au moment de les quitter, la peur me vint qu'ils allassent renseigner ceux qui pouvaient me chercher. Je tuai dans la montagne cet honnête berger qui m'avait accompagné pour me montrer la route. Et revenu sur mes pas, je fis de même avec sa femme. Et je compris ensuite que ma robe me dénonçait. Et je décidai d'en changer. Un chasseur endormi, que je fis passer du sommeil à la mort, me fournit ses vêtements et ses armes. Ainsi, après 1000 péripéties, au travers de tous les obstacles, à la faveur de tous les crimes, je parvins jusqu'à toi. Julia, je ne t'ai pas méprisé. Mais j'ai craint les dangers dont le ciel me menace. Et c'est pourquoi je me suis détourné de toi. Retourne à ton couvent. Pour moi, j'ai si peur de cette croix sur ta poitrine que je dois la fuir. Capitaine, prépare-toi à te défendre. Curcio et César ont quitté la route. Ils se recherchent dans la montagne. Tous les villageois marchent contre toi. Ils jurent qu'ils vengeront dans ton sang le sang d'un fils tué par tes mains. Ils crient qu'ils te prendront bon ou vite. Julien, il ne faut pas que tu retombes au pouvoir de ton père. Il est ton ennemi. Frère, voici le jour de la fierté. Pour que nul ne faiblisse, sachez qu'ils osent venir ici nous tuer, ou nous prendre. Ne leur laissons pas croire que les crayons marchons à leur rencontre. Inutile d'y aller, les Malakaris. À vos armes. Et que personne ne faiblisse. Si j'en vois un seul plier ou fuir, vive Dieu, je rougirai le fil de cette épée dans sa poitrine, avant de la plonger dans celle de l'ennemi. Viens avec moi, Julia. Nous parlerons plus tard. Où te caches-tu, Eusebio ? Je ne me cache pas ! Je te cherche. Je remercie le ciel qui met la vengeance à portée de ma main. Il n'a pas voulu remettre à d'autres le soin de réparer l'outrage, ni confier ta mort à un bras étranger. Le ciel n'est pas contre moi, Curcio, lorsqu'il favorise cette rencontre. Devant ta douleur, je ne sais quel respect naît en moi, qui me rend plus timide que devant ton épée. Aucun signe ne me fera renoncer à la vengeance que je poursuis. Je ne cherche pas d'autre victoire que le pardon. Cette épée qui fit trembler tant d'hommes, c'est à tes pieds que je la dépose. Gébéo, je ne prendrai pas avantage de ceci pour te tuer. Dans la violente confusion où je suis, il me semble que je voudrais seulement me tuer pour te venger. Venge-toi sur moi. Voici ma vie, Seigneur, à tes genoux. Quelle qu'ait été l'offense, l'épée d'un gentilhomme ne se souille pas du sang des vaincus. Ils sont par ici. Mes hommes victorieux viennent à moi, tandis que ta troupe a tourné le dos. À toi seul, tu ne pourras défendre ta vie contre eux. Je me suis incliné devant ta puissance, Curcio, mais je ne fuirai nulle autre force au monde. Tu reprends cette épée. Et tu verras que si le courage va manquer contre toi, tes hommes ne suffiront pas contre lui. Du fond de la vallée à la cime de ces monts, aucun d'entre eux n'est resté en vie. Seul Eusebio, fuyant dans le soir, s'est échappé. Dis-moi ! Eusebio n'a jamais fui ! Mais c'est lui ! À mort ! Avancez donc, Ruste ! Arrêtez ! Quoi, Seigneur ? Toi qui devrais nous encourager, tu défends un homme qui a versé ton sang et insulté ton honneur. Comment peux-tu protéger un homme qui, par son audace, a répandu la destruction dans tout ce pays, qui a tué tant des nôtres? Que veux-tu faire? Attendez. Ne vaut-il pas mieux qu'il arrive prisonnier à Senna? Va en prison, Eusebio. Sur ma foi de gentilhomme, je jure de te défendre. Bien que je sois parti dans ce procès, je serai aussi ton avocat. Non, Curcio. Ne crois pas que je fasse soumission à la loi parce que je me suis rendu à toi. Le respect suffisait à me livrer à Curcio. Mais la loi demande qu'on la craigne et je ne crains rien. Mort à Eusebio ! Quoi, Seigneur ? Tu le défends ? Tu nous trahis ? Pardonne-moi, Eusebio. Mais puisqu'il m'accable, c'est à moi le premier qu'il revient de te donner la mort. Écarte-toi, Seigneur. Ta vue me glace. Si tu te tiens devant mes yeux, tu serviras de bouclier à tes gens. Il le traque. Il s'enfonce dans la montagne, frappé de 1000 coups. Il recule. Il tombe et roule vers la vallée. Je vais à son secours. La vie m'échappe. Et la terre elle-même me manque où je puisse tomber mort. Je suis coupable. Je vois tout mon péché. Et mon âme, enfin revenue à elle-même, ne se tourmente pas d'avoir à perdre la vie, mais seulement de savoir comment payer tant de crimes avec une seule vie. Oh, croix. Puisque Dieu n'a souffert sur toi que pour les pécheurs, me voici, moi, pécheur, et j'implore ta grâce pour qu'elle me rende justice. Ce qui te fut donné, tu dois me le rendre. Même si j'étais le seul pécheur de ce monde, Dieu, pour moi seul, serait mort. C'est pour moi seul, que tu te dresses aujourd'hui. Lizardo, quand tu te trouvais blessé entre mes bras et que je pouvais te tuer, dans ce moment fugace où se dénouent les liens terrestres, je t'ai donné la chance de te confesser. Et maintenant, je me tourne vers toi et vers ce vieillard aussi dont j'ai la promesse. C'est à vous deux que je demande pitié. Regarde-moi, Lizardo. Alberto, je t'appelle. Eusebio. Prends ton épée. À qui? À Curcio. À Curcio. Et maintenant, moi aussi à tes pieds, je te demande pardon de cette ancienne offense. Ma vie s'épuise dans mes blessures. Mon âme entre dans les ténèbres. N'y a-t-il donc plus de remède dans ce monde? Dieu seul sait soigner les âmes. Où es-tu blessé? La poitrine. Laisse-moi voir si ton cœur faiblit. Ce signe divin. Ce sont les armes que je tiens de cette croix au pied de laquelle je naquis. Je ne sais rien de plus de ma naissance. Je n'accuse pas mon père qui me refusa un foyer. Il dut prévoir le mal qui était en moi. Oui, c'est ici que je naquis. Mon fils. Voilà enfin. Tu es mon fils. Si j'en crois tant de signes, il me faut te retrouver dans la désolation, au moment où je te perds. Ton récit confirme ce que mon âme avait déjà deviné. Ta mère t'abandonna au pied de cette croix où je te retrouve aujourd'hui. Le ciel me châtie là où je péchais. Ce lieu même m'enseigne mes erreurs. Quel signe plus grand puis-je souhaiter que cette croix qui s'ajuste à celle que Julia porte sur elle? Le ciel vous marque à tous deux mystérieusement, afin qu'à vous deux, pour toute la terre, vous soyez un seul prodige. Père. Oh, Père. Puis parler. La mort m'ôte toute voix pour te répondre, toute vie pour t'obéir, et m'arrache l'âme. Qui t'aurait obéi? Voici venir le coup terrible. Voici l'inévitable épreuve. Alberto. Alberto, entends-moi. Alberto, je t'appelle. Alberto. Fleur est mort, celui que vivant je haïssais. Aujourd'hui, Curcio, la fortune te persécute. Qu'y a-t-il? Julia a fui le couvent. Mon Dieu. Seigneur, les bandits que nous avions châtiés qui avaient fui reviennent à ta recherche. Exaltés par un diable d'homme qui cache son visage et dont on ne sait pas le nom. Mon cœur a tant souffert aujourd'hui que même les mots les plus grands lui paraîtront indifférents. On emporte le corps de Zébio jusqu'à ce que rendu à une sépulture honorable, il puisse, de ses yeux de cendre, contempler ma douleur. Comment peux-tu prétendre enterrer en terre sainte un homme qui est mort excommunié? Celui qui meurt comme il est mort ne mérite pas d'autre tombeau que le désert. Les bêtes féroces et les oiseaux font son tombeau en punition de ses grands péchés. Donnons-lui en attendant sous les branches une rustique sépulture. Reste ici, Gilles, près de lui, pour que ta voix du moins puisse nous avertir si quelques-uns reviennent de ceux qui ont fui. Ils sont bien tranquilles, eux. Ils enterrent Zébio ici, et ils me laissent seul avec lui. Perdu dans cette montagne une fois de plus, sous le ciel fixe et silencieux de la nuit. C'est ici que Zébio me fit grâce de la vie. Je crains d'être encore en danger si je rencontre ces soldats. Albert, quel est ce souffle? D'où vient cette voix éteinte qui porte mon nom jusqu'à moi? Parle tout près d'ici. Voix qui peuple fugitivement le vent. Qui es-tu? Toi qui dis mon nom. C'est moi, Zébio. Viens, Alberto. Viens jusqu'à ce lieu où je suis enseveli. Viens et soulève ces branches. Ne crains rien. Il y a longtemps que je suis mort dans mon corps. Mais le cadavre n'entraîne pas l'esprit dans sa dépendance. Le coup terrible de la mort lui ôte l'usage de l'âme, mais ne peut l'en séparer. Viens, Alberto. Viens en un lieu où je puisse te confesser mes péchés. Mon Dieu, c'est qu'il va debout. Oh, je vais le raconter à tous. Se méfie de rien. Si vous voulez les prendre en embuscade, il faut se poster là-bas, car ils viendront de ce côté. Apprenez tous par ma bouche le plus admirable prodige que vit jamais le monde. Eusébio, appelant un prêtre de sa propre voix, s'est levé du lieu où il fut enseveli. Regardez avec quelle piété il est tombé à genoux. Dieu du ciel, quelles sont ces merveilles? Qui vit jamais plus étonnant miracle? Dès que le saint vieillard a fait sur lui le signe de l'absolution, il est tombé mort à ses pieds pour la seconde fois. Que le monde, parmi toutes ses grandeurs, apprenne la plus haute de ses merveilles. Je l'atteste par ma voix. Dans le corps mort de Zébio, le ciel a maintenu son âme jusqu'à ce qu'il ait pu se confesser. Voilà ce que peut sur Dieu la dévotion à la croix. Fils de mon âme. Non, il ne fut pas infortuné. Celui qui, dans sa mort tragique, a mérité un tel privilège. Que mon père et le monde entier apprennent mes péchés mortels. Que tous ceux qui vivent sous le ciel sachent que je suis Julia. Julia de race criminelle. Julia de toutes les femmes mauvaises, la pire. Et comme j'ai rendu public mon péché, publique sera ma pénitence à partir d'aujourd'hui. J'irai, demandant le pardon du monde pour le funeste exemple que je lui ai donné, et la pitié de Dieu pour le crime de ma vie. Oh, toi qui ferais rougir le crime lui-même, je te tuerai de mes propres mains pour que ta mort soit aussi terrifiante que ta vie. Sainte Croix, viens à mon secours. Je jure de vivre à nouveau sous ton signe et de naître une seconde fois.